Ami humain, bonjour. Deleuze. Sur la musique. Vincennes, le 8 mars 1977. Deuxième partie. Je voudrais que l'on prenne ce qu'on a fait depuis le début comme une espèce de résumé d'ensemble recentré sur un type de plan très particulier, le plan de consistance sonore ou musique, et les agencements musicaux qui se tracent sur ce plan de consistance. Question, que pense Nietzsche par rapport à Wagner? Gilles Deleuze. C'est une drôle d'histoire. Il est impossible de le lire simplement littérairement, bien que ce soit très beau. Nietzsche faisait lui-même de la musique, tout le monde le sait et tout le monde est unanime pour dire que cette musique, à part de rares morceaux, n'est pas très bonne. Cette remarque n'est pas fameuse. Nietzsche faisait passer toute sa musicalité dans son écriture, c'est sa Nietzsche musicien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sa musique ressemble à du Schubert, à du Schumann, et très souvent. Je lance un appel, allez écouter les mélodies de Nietzsche dans les discothèques. Qu'est-ce que dit Nietzsche contre Wagner? Il dit que c'est de la musique aquatique, que ce n'est pas dansant du tout, que tout ça n'est pas de la musique mais de la morale, il dit que c'est plein de personnages, Lohengrin, Parsifal, et que ces personnages sont insupportables. Qu'est ce qu'il veut dire presque implicitement. Il y a une certaine manière de concevoir le plan où vous trouverez toujours des formes en train de se développer, aussi riche que soit ce développement, et des sujets en train de se former. Si je reviens à la musique, je dis que Wagner renouvelle complètement le domaine des formes musicales, si renouvelé qu'il soit, il reste un certain thème du développement de la forme. Boulez a été un des premiers à souligner la prolifération de la forme, c'est par là qu'il fait honneur à Wagner, un mode de développement continu de la forme, ce qui est nouveau par rapport à avant, mais si nouveau que soit le mode de développement, il en reste un développement de la forme sonore. Dès lors, il y a nécessairement le corrélat, à savoir, le corrélat du développement de la forme sonore, c'est la formation du sujet. Lohengrin, Parsifal, les personnages wagnériens, c'est les personnages de l'apprentissage, c'est le fameux thème allemand de la formation. Il y a encore quelque chose de Goethéen dans Wagner. Le plan d'organisation est défini par les deux coordonnées de développement de la forme sonore et de formation du sujet musical. Nietzsche fait partie d'une toute autre conception du plan. Quand je disais que le plan de consistance ne connaît que deux choses, il ne connaît plus de formes qui se développent, il ne connaît plus que des vitesses et des lenteurs, des mouvements et des repos, il ne connaît plus que des vitesses et des lenteurs entre particules, entre molécules, il ne connaît plus de formes en train de se développer. Il ne connaît plus que des rapports différentiels de vitesse entre éléments. Il ne connaît pas de développement de la forme. J'ajouterais que corrélativement, il ne connaît plus de formation d'un sujet, fini l'éducation sentimentale. Wagner, c'est encore d'un bout à l'autre l'éducation sentimentale. Le héros wagnérien dit « Apprenez-moi la peur ». Nietzsche, ce n'est pas ça. Il n'y a que des SCIT, c'est-à-dire des combinaisons d'intensité, des composés intensifs. Les excéités, ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des sujets. Si je pense à Nietzsche, je me dis qu'il est en plein là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ECC Homo? Je ne force pas beaucoup en disant que Nietzsche c'est quelqu'un qui passe son temps à nous dire qu'il n'y a que des vitesses et des lenteurs. Tous font de grands hommages à Goethe, mais ce sont de grands sournois. Hölderlin et Kleist font des hommages à Goethe, mais il n'empêche que c'est leur haine pure. Nietzsche ne nous dit pas, soyez rapide, lui n'était pas très rapide. On peut être très rapide en marchant très lentement, c'est encore une fois une question de rapport différentiel entre vitesse et lenteur, on peut être très rapide sans bouger, on peut faire des voyages sur place d'une rapidité folle, être revenu avant d'être parti. Esse seu homo, c'est formidable, c'est un des plus beaux livres du monde. La manière dont Nietzsche parle des saisons, des climats, de la diététique. Ça revient tout le temps à nous dire, je ne suis pas une personne, ne me traitez pas comme une personne, je ne suis pas un sujet, n'essayez pas de me former, c'est ça qu'il dit à Wagner, il dit que c'est de la musique pour Bismarck. Il ne veut pas d'éducation sentimentale. Ce qui l'intéresse, c'est les excéités et les compositions d'intensité, et il se vit comme un ensemble d'excéités. Cette disparition d'un apprentissage ou d'une éducation au profit d'un étalement des excéités. Je crois que Nietzsche fait ça dans ses écritures. Quand il dit que la musique de Bizet c'est bien mieux que Wagner, il veut dire que dans la musique de Bizet, il y a quelque chose qui pointe et qui sera bien mieux réussi par Ravel ensuite, et ce quelque chose, c'est la libération des vitesses et des lenteurs musicales, c'est-à-dire ce qu'on appelait à la suite de Boulez la découverte d'un temps non pulsé, par opposition au temps pulsé du développement de la forme et de la formation du sujet. Un temps flottant, une ligne flottante. Richard Pinas. C'est quand même inquiétant cette préférence, à un moment, de Nietzsche pour Bizet, différence qui disparaît complètement avec les textes des Esse seu homo, où il retourne complètement Wagner, en disant que finalement, c'est lui que j'aime. Pendant un moment, durant sa grande fâcherie, il y a une espèce de reproche qu'il impute à Wagner, et il va affirmer Bizet comme le créateur positif de l'époque. Il y a un problème de la ligne mélodique, Wagner est supposé foutre en l'air la ligne mélodique, et ce qu'il aime chez Bizet, c'est la prédominance de la ligne mélodique, dans le même temps, il va traiter Wagner de rhéteur et d'homme de théâtre, c'est ces termes et ce sont les termes précis qui peuvent définir la subjectivité et la création de sujets. Mais je ne trouve pas ça très clair de faire de Bizet comme une pointe dépassant Wagner, ce n'est pas évident. Il y a une ambiguïté, dans Nietzsche, au niveau des problèmes de la ligne mélodique, et à certains égards, avec toute l'admiration et tout l'amour que j'ai pour lui, il y a peut-être une position en retrait par rapport aux critères d'innovation qui se trouvent chez Wagner. Ça reste à vérifier. Ce qui me paraissait extrêmement intéressant dans le développement qu'a fait Gilles, c'est qu'il marque très rapidement des lignes de coupure. Ce sont des lignes de transition ou plutôt de grands plans de variation qui affectent le devenir de la musique en général, et à un moment il se posait une question, à savoir, comment se fait-il qu'on n'ait pas pu continuer à garder des voix de haute contre ou des voix de castrat, ça disparaît. La réponse est toute trouvée, à un certain moment du devenir de la musique, c'est-à-dire à partir du moment où un plan de composition musicale ou un plan de consistance musicale se trouve comme ouvert ou orienté vers une nouvelle méthode de production ou de création sonore, méthode, c'est aussi bien au niveau de l'écriture que des matériaux ou des agencements utilisés, c'est absolument plus nécessaire. Je prends un exemple concret, qu'est-ce que ça voudrait dire, aujourd'hui, à quoi ça servirait, quelle serait l'utilité d'un virtuose tel qu'on les formait dans le passé, pour jouer la musique des compositeurs contemporains. Ça n'a plus aucune raison d'être. Ce qui est réclamé au niveau de l'exécution n'existe plus au niveau de l'écriture. Autant la virtuosité était un élément de composition nécessaire il y a encore un siècle, autant aujourd'hui, c'est un élément qui a complètement disparu. Donc, on assiste en même temps qu'à la création de nouvelles formes, de nouveaux agencements, de nouveaux développements, de nouveaux matériaux. Tout arrive à la fois, on assiste au rejet, même pas au rejet par exclusion, mais peut-être au rejet par lassitude ou par épuisement de certaines composantes antiques telles que la virtuosité dans ce cas-là. À la limite, on pourrait dire qu'il n'y a plus rien à faire de la virtuosité. Gilles Deleuze est ce qu'on peut dire, ou est-ce que ça te trahit, que la virtuosité, c'était une technique de déterritorialisation proprement liée, non pas à l'ensemble des devenirs musicaux, mais dans la musique, liée au devenir femme et au devenir enfant. Ce qui a toujours appartenu à la musique, à travers toute son histoire, c'est des formes de devenir animal très particulières. Claire Parnay, on peut supposer que les devenirs les plus déterritorialisés sont toujours opérés par la voix. Berriot. Gilles Deleuze. Le cas Berriot est très étonnant. Ça reviendrait à dire que le virtuose disparaît lorsque Richard invoque l'évolution machinique de la musique, et que, dès lors, le problème du devenir musical est beaucoup plus un problème de devenir moléculaire. On voit très bien que, au niveau de la musique électronique, ou de la musique de synthétiseur, le personnage du virtuose est, d'une certaine manière, dépossédé. Ça n'empêche pas que dans une musique aussi moderne, celle de Berriot, qui utilise tous ses procédés, il y a maintien des virtuoses et maintien d'une virtuosité vocale. Richard Pinhas. Ça m'apparaît sous la forme d'une persistance d'un code, un code archaïque, ça rentre comme un élément dans la composition innovatrice de Berriot. Il fait subir quand même un drôle de traitement à cette voix. Gilles Deleuze, je te donnerai raison parce que Berriot insère toutes sortes de ritournelles dans ce qu'il fait. J'avais défini la ritournelle, par différence avec la musique, comme la voix ou l'instrument déterritorialisé. La ritournelle, c'est la territorialisation sonore par opposition à la musique en tant que musique qui est le processus, le procès de déterritorialisation. Or, de même qu'il y a des devenirs femmes, des devenirs enfants, des devenirs animaux, il y a des devenirs peuples, c'est l'importance, dans la musique, de tous les thèmes folkloriques. Le petit air folklorique, c'est de l'ordre de la ritournelle. Le petit air de telle région, qu'un musicien prenne, à la lettre pique, et bien plus, transforme l'expression et le contenu, parfois laisse subsister une phrase intégralement, les degrés de transformation sont très variables, or, chez Berriot, intervient une utilisation du folklore des chants populaires de tous les pays, au besoin il les inscrit dans une langue multiple, et à ce niveau, en effet, il y a une espèce de virtuosité vocale. Je tiens à la petite ritournelle de l'enfant ou de la femme, et à cette machine de déterritorialisation qui va reprendre tout ça pour faire subir un traitement spécial de la voix ou de l'instrument, du chant populaire, au point que Verdi est branché sur la révolution italienne. Ça explique les branchements. Verdi devient le génie de l'Italie naissante. Richard Pinhas. D'après ce que tu as dit, je dégagerai quatre périodes fondamentales, il n'y a pas de coupure à proprement parler, mais il y a des variations et des transformations, des translations qui amènent à de nouveaux plans de composition musicaux. La première, non pas dans le temps, mais en référence à ce qu'on a dit, s'arrête à Rossini, la seconde s'arrête avec l'avènement de Debussy et de Ravel, la troisième, comme par hasard, tombe à peu près avec les effets de la Seconde Guerre mondiale, la quatrième, ce seraient les formes musicales qu'on retrouve aujourd'hui, aussi bien avec la pop musique commerciale populaire, et aussi bien au niveau des travaux réputés d'avant-garde. Musique réputée contemporaine. On trouve, pour les premières et secondes périodes, des connexions extrêmement étroites, au niveau des figures de contenu, avec des devenirs animaux et des devenirs enfants et devenirs femmes, dans le premier cas surtout, un devenir enfant et un devenir femme, dans le deuxième cas les mêmes, avec en plus une dimension de reformation propre aux exemples qu'on pourrait trouver dans Wagner, et à partir de Debussy et de Ravel on a, d'une part effectivement, des devenirs moléculaires et incertains. Rapport à des devenirs qu'il faudrait définir, en rapport avec des matériaux, terrestres. Lorsque Ravel intitule un morceau « La mer », il y a, d'une part, des devenirs moléculaires, d'autre part, un certain rapport aux éléments. Ensuite, il y a la musique actuelle qui, pour moi, est principalement moléculaire, abstraite. Aussi bien dans les deux premières catégories, ou séries, il est légitime, on ne peut pas faire autrement que de passer par une analyse se référant à des figures de contenu et des figures d'expression et là, mettons que ma demande, depuis quelques semaines, a été pleinement satisfaite, autant j'ai l'impression que, à partir de Ravel et de Debussy, la figure de contenu cède à quelque chose qui, bien sûr, pourrait également prendre le nom de figure de contenu, mais qui serait beaucoup plus proche d'un certain type d'agencement singulier, qui viendrait remplacer ces figures de contenu, tout du moins au niveau d'une analyse, et que la figure d'expression se dédouble en une figure d'expression proprement dite, et en ligne d'effectuation qui serait aussi bien des effectuations matérielles, des effectuations d'écriture, des effectuations d'exécution, que des compositions d'affect à trouver. Ce n'est pas exclusif, ça n'infirme pas les figures de contenu et les figures d'expression, ça ne fait que les développer. Il me semble que dans la musique d'aujourd'hui, principalement les compositeurs anglais et les américains, on a pratiquement plus de contenu possible, à la place, on pourrait affirmer une espèce de généralisation des devenirs moléculaires. Gilles Deleuze, mais le devenir, c'est un contenu comme un autre, le contenu moléculaire. Richard Pinas. Oui, mais à partir du moment où il est général, il ne nous sert pas beaucoup, au niveau d'une analyse, comme élément d'approche. Mais il va de soi que c'en est un, si je veux mettre le point fort, mettons sur les agencements singuliers, c'est une forme permettant de développer le terme de figure de contenu, et je vois que, au niveau de la musique contemporaine, ce qui va se passer et on peut presque le repérer pays par pays ou courant de composition par courant de composition, c'est l'affirmation de temps extrêmement différencié et élaboré. Exemple, bien sûr, on va avoir deux catégories générales qui vont être le temps pulsé et le temps non pulsé, mais au sein de ces catégories, ou parallèlement à ces catégories, on va s'apercevoir que la musique anglaise et que la musique de certains américains, je pense à la Monty Young et parfois à Steve Reich, c'est une musique qui se réfère ou qui constitue un temps métallique d'exécution et d'affection, ainsi que de composition, qu'on va avoir un temps métallique non pulsé, que d'un autre. Côté, chez certains Américains comme Philip Glass, on va avoir un temps métallique pulsé et aussi toutes autres formes de temps qui appartiendraient également à la même famille, que du côté des Allemands, on va avoir un temps aussi abstrait que les autres, mais qui va être de type mécanique avec des inscriptions rythmiques très précises, en France. J'ai dans la tête un groupe qui s'appelle Magma, on va avoir un temps de la guerre qui reprend et ce n'est pas du tout une espèce de hiérarchie despotique des sons, mais qui, dans le contexte où c'est exécuté, va avoir tout un aspect novateur, et on va trouver tout un tas d'autres temps, des temps actuels, des temps de l'instant effectués dans ces sortes de musique. Par contre, dans la pop musique, on va assister à une espèce de rémanence, une espèce de retour de quelque chose qui me laisse très perplexe et qui appartient pleinement aux figures de contenu, quelque chose qui va prendre la place d'un signifié, mais qui ne sera pas un signifié proprement dit. Le terme qui conviendrait pour expliquer ça, c'est le terme d'icône abstrait. Un icône abstrait ce serait quelque chose qui ne représente rien, mais qui joue et qui fonctionne comme un élément de représentation. Donc, on va retrouver quelque chose comme ça. Gilles Deleuze. Petite question de détail, Richard. Dans ces voix, dans cette espèce de machinerie de la voix, dans la musique pop, ce n'est pas faux ce que dit Fernandez, qu'il y a aussi une voix qui dépasse la machine binaire des sexes. Ce n'est pas seulement Bowie, c'est aussi bien les Rolling et les Pink Trucks. Alors, es-tu d'accord là-dessus? Richard Pinas. Oui, sauf que déjà référer une voix au problème de la différence des sexes, c'est un pas tellement odieux à franchir que ça ne me semble pas vraiment pertinent. Gilles Deleuze, là, tu déconnes. Tu ne es pas sérieux? Si on dit homme-femme, ou la machine binaire, c'est une territorialité de la voix, les milieux, les sexes, les types de ritournelles et les endroits du corps concernés, les poumons, la gorge, le diaphragme, c'est tout un mélange. C'est ce que j'appelle la voix territorialisée, avec comme forme musicale la ritournelle. Je dis que la musique commence avec les processus de déterritorialisation, alors à mon avis, les processus de déterritorialisation qui constituent la musique. Tu as raison de dire que la musique n'a rien à y voir puisque la musique ne commence qu'avec les processus de déterritorialisation, il n'y a de musique que par les processus de déterritorialisation de la voix, alors le procès de déterritorialisation de la voix sur le mode technique castra, haute contre, les unes et les autres ne sont pas du tout identique, les endroits du corps ne sont pas les mêmes, les milieux ne sont pas les mêmes, il y a donc des processus de déterritorialisation de la voix qui vont être partie intégrante de la musique vocale, et puis il y a des processus de déterritorialisation proprement instrumentaux, qui vont faire de la voix un instrument instrumental parmi les autres, c'est une figure tout à fait différente. Je dirais que tous les devenirs se font d'abord par la voix. Dans cette histoire d'agencement, j'insiste là-dessus, substituer à la dualité artificielle naturelle la différence territorialité-déterritorialisation, parce que, finalement, il n'y a rien de naturel ou il n'y a rien d'artificiel. Question sur les anachronismes. Gilles Deleuze, complètement. Tous les procès de déterritorialisation sont aussi créateurs de reterritorialisation, plus ou moins artificielle. Lorsque la musique instrumentale, lorsque l'instrument devient premier par rapport à la voix devient par là même un facteur de reterritorialisation alors qu'avant, elle était essentiellement prise dans un mouvement de déterritorialisation, qu'elle était même un agent de déterritorialisation. Question, Bob Dylan, c'est vraiment une déterritorialisation? Gilles Deleuze, oui, oui. Qu'est-ce que c'est, musicalement, la voix de Dylan? C'est une espèce de voix blanche. C'est très curieux. Elle est de plus en plus nasale. Richard Pinas. Ce que tu disais tout à l'heure sur l'emploi des archaïsmes est très important parce que, à partir du moment où tu emploies un élément anachronique et que tu l'inclus dans une perspective d'innovation, tu arrives à un résultat encore plus puissant, et à un certain niveau, l'emploi de structures binaires, qu'on a vu démarrer dans le jazz contemporain avec Miles Davis, c'est l'avènement du néo-binarisme américain, il reprend un des éléments les plus territorialisés dans l'usage moderne, à savoir la batterie, c'est ce qui découpe le temps musical sur une base 2 ou 3, selon les normes conventionnelles, et qu'est-ce qu'il fait avec cet élément le plus territorialisé? Il invente ou réinvente une prolifération de temps composé, à ce point que, finalement, il crée à l'aide de cet événement, ancien, ou très codé, il crée une espèce de ligne de déterritorialisation quasi absolue, au niveau des structures rythmiques. Gilles Deleuze. Je crois qu'il y a des phénomènes de rencontre et de convergence. Steve Reich dit tout ce qu'il doit aux civilisations orientales, ça n'empêche pas qu'il y est venu à l'issue d'un processus de convergence qui passait par la musique orientale. Je lis un texte de Boulez, le tempo est dû à un rapport numérique écrit, mais il est complètement modifié et transmis par une vitesse de déroulement. Tenant compte de ce phénomène, il était beaucoup plus facile d'avoir des rapports extrêmement complexes tout en écrivant des rapports intrinsèquement plus simples et en ajoutant des modifications de vitesse sur ces rapports numériques. Si l'on incorpore dans une structure de rythme assez simple, du point de vue de la forme, des accumulations de petites notes, il y a déjà ça dans Mozart, l'accumulation de petites notes qui va permettre de produire des rapports de vitesse et de lenteur très complexes en fonction de rapports formels très simples, on obtient un tempo brisé à chaque moment. Ainsi, il y a une musique qui peut se passer complètement de pulsations, une musique qui flotte où l'écriture elle-même apporte pour l'instrumentiste une impossibilité de garder une coïncidence avec un tempo pulsé. Les petites notes, l'ornementation, la multiplication des différences de dynamique. NDE, Pierre Boulez. Il y a des critiques qui parlent de bloc au sujet de ces petites notes chez Mozart. Il faudrait chercher aussi dans Debussy ces petits blocs qui viennent, à la lettre, rompre le développement de la forme, et sur le fond d'une forme relativement simple, ils engendrent des rapports de vitesse et de lenteur extrêmement complexes. C'est bien ce que Richard disait. Richard Pinnas. Mouais, en gros. Gilles Deleuze. En gros, en gros. Oui. Richard Pinna, je dis en gros, non pas par rapport à ce que tu dis toi, ni à l'interprétation que tu fais de Boulez, mais bien par rapport au texte de Boulez lui-même qui reste toujours ambigu, très souvent juste, mais ambigu. Gilles Deleuze, ambigu. Je voudrais que vous disiez vos réactions en rapport à l'histoire de la voix dans le cinéma parlant. Le parallèle que je vois si on accepte l'idée d'une machine musicale, la machine musicale c'est ce qui occupe le plan de consistance sonore, que la machine musicale que l'on définit abstraitement comme la déterritorialisation sonore, je peux donc dire que ça c'est la machine abstraite de musique, la machine abstraite, c'est l'ensemble des processus de déterritorialisation sonore. On peut très bien concevoir des mutations de la machine telles que ces différents éléments changent complètement de rapport. Alors que l'histoire vienne là-dedans, je peux dire que si je prends des machines concrètes musicales, là, il y a bien une histoire. Par rapport à ma machine abstraite définie comme plan de consistance sonore, je dirais que cette machine abstraite s'actualise nécessairement dans des machines concrètes. Premier type de machine concrète, la déterritorialisation porte sur la voix n'est plus ni voix d'homme ni voix de femme, la déterritorialisation porte sur la voix avec les sous-machines suivantes, la machine castra, la machine contre-ténor, etc., tous ces agencements. Donc, je définis là une première machine concrète qui effectue ma machine abstraite. Puis, je dis que voilà une autre machine concrète. Accordez-moi que je peux les dater ces machines concrètes. Je peux dire que tel agencement se réalise là, avec tel sous-agencement qui se réalise là. La machine castra se réalise en Italie à telle époque, et puis ça se termine à telle époque. C'est un fait. Là-dessus, je considère un autre agencement, la déterritorialisation sonore continue, mais elle ne porte plus sur la voix, c'est une déterritorialisation instrumentale ou symphonique qui élève la voix à l'état de pièce de la machine. Il ne s'agit plus de machiner la voix, il s'agit de faire de la voix humaine un élément de la machine. À ce moment-là, je dis qu'il y a une espèce de mutation dans la machine. Alors je suis bien forcé de réintroduire, sinon une histoire, du moins des dates, exactement comme des noms propres. Le nom propre, c'est l'indicateur d'un agencement concret. Tous les noms qui vont me servir à désigner un agencement concret, je les traite comme un nom propre, y compris les dates, et d'un agencement concret à un autre agencement concret, on peut concevoir tous les modes, on peut concevoir le mode par prolifération, là j'invoquerai la réalité du rhizome. L'histoire ne jouerait qu'une détermination extrêmement secondaire, je ne voudrais pas réintroduire un point de vue historique, ce dont j'ai besoin, c'est de coordonnées concrètes pour les agencements concrets, coordonnées concrètes du type, nom propre, date, lieu, SIT de toutes sortes pour désigner les agencements concrets qui, tout, au même degré de perfection, du moins d'après la perfection, ont toujours la perfection dont ils sont capables, et tous effectuent la machine abstraite. Encore une fois, j'appelle uniquement machine abstraite musicale le procès de la déterritorialisation sonore. Là-dessus, ça n'empêche pas que les procès de la déterritorialisation sonore sont très différents suivant qu'ils portent d'abord sur les instruments, suivant qu'ils portent d'abord sur les formes, etc. Gilles Deleuze, il n'y aurait pas de seuil d'abstraction dans la musique, je ne suis pas d'accord avec une conception de la musique abstraite. Comtesse, il faut que la machine vocale se dédouble en une machine plus profonde que la machine vocale, et qui implique la machine du silence. S'il n'y avait pas cette machine de silence, Boulez ne pourrait pas dire qu'il y a dans le silence un processus de la musique qui est un processus d'abolition, de destruction, et que dans la musique, on ne cesse de chérir l'objet que l'on veut détruire. C'est ça la machine du silence. Richard Pinas, ce que tu dis est extrêmement grave. Tu reprends les thèmes de « bruit » qui font du musicien le transporteur de la pulsion de mort, le grand meneur de la détresse contemporaine, et la grande figure de la mort, dans le même temps où la répétition devient uniquement un phénomène dans le cas de « bruit » de stockage. Donc, d'une part il y a une mésentente et d'autre part il y a une espèce de pourrissement de tout ce qui s'attache à la musique, pourrissement qui se concrétise justement dans cette dimension d'abolition à laquelle tu fais référence. Or, qu'est-ce que c'est que le silence, y compris la forme la plus achevée théoriquement du silence, c'est, finalement je prends Cage comme exemple, Boulez se réfère aussi à Cage, le silence, c'est de l'environnement. Le silence absolu ça n'existe pas. Comtesse, le silence intensif d'un musicien n'a rien à voir avec l'environnement. C'est le degré zéro. Richard Pinas. Ton degré zéro, je veux bien y croire à partir du moment où tu m'en donneras une définition, je ne vois pas, et personne dans l'histoire de la musique n'a pu définir ce que c'était que le silence, à part Cage qui, sous le mot silence, indique un environnement qui doit laisser passer les bruits ambiants, je ne vois pas à quoi correspond ce zéro silencieux, ce silence absolu, sinon justement à une dimension d'abolition qui est de nouveau le terme de mort collé sur la musique. Le problème des musiciens aujourd'hui, ce n'est absolument pas un problème de subjectivité, ni un problème de rapport au silence, c'est un problème d'affectation de la matière sonore, c'est un problème de vitesse et de lenteur, c'est un problème de temps métallique. Jamais ça n'a été la dimension de la mort, une dimension de représentation ou bien une dimension de type silence. Gilles Deleuze. Je voudrais dire quelque chose parce que mon sur se dilate de joie. J'ai l'impression que Richard a mis le doigt sur quelque chose dans toutes tes interventions, et tu sais qu'elles m'intéressent beaucoup. Je te dis toujours qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Tu es en train toujours de me flanquer une machine de plus et un agencement de plus. Toutes tes interventions, et quelle que soit la variété des sujets, c'est pour me dire, t'as oublié un agencement. Aujourd'hui, tu me dis, t'as oublié la machine silence, qui n'est ni la ritournelle ni la déterritorialisation de la voix, et tu m'en colles toujours une de plus. Richard te dit qu'avec toi qui en rajoute toujours, au meilleur sens du mot, est-ce que ce n'est pas pour nous reflanquer quelque chose qui jouerait le rôle d'instinct de mort ou de machine de castration. J'ai parfois un sentiment un peu semblable. Lorsque tu me dis tout ça, lorsque tu dis que j'oublie une machine silence, du silence je n'en ferai surtout pas une machine, pour moi, il va de soi que le silence est un élément créateur et un des plus créateurs, faisant partie de la machine musicale, il n'y a absolument pas de silence hors de la machine musicale. Dans le mouvement de la déterritorialité, on a la ritournelle, avec le bruit et l'environnement. Dans la machine musicale, tu as toutes sortes d'éléments dans des rapports variables, et un des produits de ces procès de déterritorialisation, c'est le silence. Pour répondre à la question, est-ce qu'on peut, ou pas, le définir, moi je ne dirais ni comme Richard ni comme toi, je dirais qu'on peut parfaitement définir le silence, mais on ne peut le définir qu'à l'intérieur de la machine musicale. Dans le texte de Boulez, la tendance à l'abolition est pleinement une composante de la machine musicale et une tendance à l'abolition d'une autre nature serait complètement différente, n'aurait aucun rapport avec cette abolition très spéciale qu'est l'abolition sonore. Donc, pour Boulez, cette abolition-là fait pleinement partie intégrante de la machine musicale. Avec toi, on ne va plus du tout tomber sur un agencement ou une machine, on va tomber sur un instinct de mort ou l'équivalent d'un instinct de mort. Il me semble que c'est ça que Richard te dit. Richard Pinas, c'est la chose la plus grave qu'on puisse énoncer au sujet de la musique. Gilles Deleuze. Il n'y a pas d'instinct de mort, il y a des machines qui prennent dans leurs composantes un mouvement d'abolition. Si vous extrayez toutes ces abolitions, composantes de machines différentes, si vous extrayez une abolition pure pour en faire une machine spéciale, à ce moment-là, de mon point de vue, tout est foutu. Suit une longue discussion sur l'instinct de mort. Fin de la deuxième partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.